quatrième chapitre. Maquet paye un second mari à Mademoiselle des Garcins. Vous vous rappelez que l'Auvergnat insistait pour me vendre un second singe et qu'à ces instances, je répondais qu'il me faudrait, si je faisais cette acquisition, un domestique rien que pour les singes. Ce fut à cette occasion que Michel, homme de ressources, me proposa de faire sous-look surintendant des quadrumanes, lequel nom de sous-look m'a forcé de donner sur Alexis les indications que vous venez de lire. Ces indications données, je reprends le fil de ma narration. « Et combien vendrais-tu ton singe ?» demandai-je à l'Auvergnat. « Monsieur sait bien le prix qu'il a payé à l'autre. » « J'ai payé l'autre 40 francs, un cochon d'Inde et 2 souris blanches. » Eh bien, sachera 40 francs, un cochon d'Inde et 2 souris blanches. Achetez donc ce charmant animal, dit Giraud. Achète donc ce malheureux singe, dit à son tour Alexandre. Écoutez donc, vous êtes charmant, vous. 40 francs, c'est une somme, et un cochon d'Inde et 2 souris blanches, ça ne se trouve pas sous le pas d'un cheval. Messieurs, dit Alexandre, il y a une chose que je prouverai un jour, c'est que mon père est l'être le plus avare qui existe au monde. On se récria. Je le prouverai, dit Alexandre. C'est malheureux, dit Giraud. Vois donc l'aimable bête. Et il tenait entre ses bras le singe qu'il embrassait à pincettes. Avec cela, dit Michel, qu'il ressemble comme 2 gouttes d'eau à votre voisin, monsieur. « Oh, comme c'est vrai !» s'écria tout le monde. « Bon, reprit Giraud, et moi qui ai un portrait à faire de lui pour Versailles. Ma foi, tu devrais bien l'acheter, je le ferai poser pour la tête et ça avancerait diablement ma besogne. »« Voyons, achetez-le » dirent les assistants. « Eh bien, l'avarice de mon père est-elle prouvée ?» s'écria Alexandre. « Mon cher Dumas, dit Maquet, sans me ranger à l'avis de votre fils, voulez-vous me permettre de vous offrir le dernier des laits de manoir ?»« Bravo, Maquet, bravo, Maquet !» cria la société. « Donnez une leçon à ce pingre-là » Je m'inclinai. « Mon cher Maquet, lui dis-je, vous savez que tout ce qui vient de vous est le bienvenu ici. »« Il accepte !» s'écria Alexandre. « Vous le voyez, messieurs ?»« Certainement que j'accepte. Voyons, jeune Auvergnat, embrasse ton singe pour la dernière fois et si vous avez des lames à répandre, répandez-les tout de suite. »« Et mes 40 francs, mon cochon d'Inde, et mes 2 souris blanches ?» Toute la société t'en répond. « Voyons, rendez-moi mon singe !» dit l'Auvergnat en tendant les 2 bras vers Giraud. « Tu vois, dit Alexandre, la jeunesse est confiante. » Maquet tira 2 pièces d'or de sa poche. « Tiens, dit-il, voilà d'abord le principal. »« Et le cochon d'Inde, et les souris blanches, fit l'Auvergnat. « Ah, quant à cela, dit Maquet, je ne peux t'en offrir que l'équivalent. À combien estimes-tu un cochon d'Inde et 2 souris blanches ?»« Je crois que ça coûte 10 francs. » « Veux-tu te taire, jeune môme ?» cria Michel. « 1 franc le cochon d'Inde et 1 franc 25 centimes chaque souris blanche. Total, 3 francs et 50 centimes. Donnez-lui 5 francs, monsieur Maquet, et s'il n'est pas content, je me charge de lui faire son compte, moi. »« Oh, monsieur le jardinier, vous n'êtes pas raisonnable. » !»« Tiens, dit Maquet, voilà 5 francs. »« Maintenant, dit Michel, frottez vos 2 museaux l'un contre l'autre et que tout soit dit. » L'Auvergnat se rapprocha de Giraud, les bras ouverts. Mais au lieu de sauter dans les bras de son ex-propriétaire, le dernier des laits de manoir se cramponna à la barbe de Giraud et poussa des cris de terreur en faisant la grimace à l'Auvergnat. « Bon, dit Alexandre, il ne manquait plus au singe que d'être ingrat. » « Payez vite, Maquet, payez vite, il finirait par vous le vendre pour un homme. » Maquet donna les derniers 5 francs et l'Auvergnat prit le chemin de la porte. Au fur et à mesure que l'Auvergnat disparaissait, le dernier des laides manoirs donnait des signes manifestes de satisfaction. Lorsqu'il eut disparu tout à fait, le sage se livra à une danse qui était évidemment le cancan des sages. « Mais regardez donc !» dit Giraud. « Regardez donc !»« Nous regardons, parbleu !»« Mais non, dans la cage, voyez donc Mademoiselle des Garcins !» Et en effet, la Guenon, qui ne s'était pas laissé imposer par le costume de bergère du nouveau venu, Mademoiselle des Garcins, lui faisait de l'intérieur de la cage, vis-à-vis de toutes ses forces. « Ne retardons pas le bonheur de ces intéressants animaux !» dit Maquet. Et la chaîne fut détachée, et la porte fut ouverte, et le dernier des laides manoirs fut introduit dans la cage. Alors, à la façon dont se précipitèrent l'un vers l'autre les deux corps de Mademoiselle des Garcins et du dernier des laides manoirs, on eut une nouvelle preuve que le système des âmes errantes de Platon n'est pas si défectueux que voudraient le faire croire les gens qui ne croient à rien.